le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Hitler et Mein Kampf. Genèse de l'idéologie nazie. En 1920, deux ans après la fin de la Première Guerre mondiale, paraît Mein Kampf, oui, traduit en français deux ans plus tard, en 1922, sous le titre « Mes combats ». En réalité, le titre complet est « Mes combats à l'assaut du militarisme et de l'impérialisme allemand ». Le livre est signé de Friedrich Wilhelm Förster, un professeur de philosophie, de pédagogie installé à Zurich. Il dénonce le militarisme prussien. La portée historique de ce Mein Kampf-là n'est rien face à l'autre Mein Kampf, celui d'Adolf Hitler, un livre qu'avait lu le grand chanteur Mouloudji avant-guerre. Tout ce que je savais, c'est que j'avais lu Mein Kampf avant la guerre. Vous aviez lu Mein Kampf? Ah oui, je l'avais lu. J'avais lu Mein Kampf et tout était écrit dans Mein Kampf. Oui, il ne cachait rien de ses projets. Oui, il n'y avait pas beaucoup de Français qui avaient lu Mein Kampf à cette époque. Pourquoi vous l'avez lu? Je ne sais pas. Je l'ai lu d'abord parce que j'ai été extrêmement impressionné par Hitler. Je trouvais que c'est... Quand je le voyais en actualité, les gens rigolaient un petit peu et tout ça, mais moi je ne rigolais pas du tout. Je trouvais que c'était un homme impressionnant. Peut-être... Terrifiant ou impressionnant? Ah, moi je trouvais très impressionnant et les Allemands m'impressionnaient. Ah oui, Mouloudji impressionné par Hitler. Mouloudji qui dit que tout était déjà dans Mein Kampf. Bonjour Nicolas Patin. Bonjour. Peut-on dire cela, que tout était déjà dans Mein Kampf? Alors oui et non, dans le sens où il y a beaucoup de choses dans Mein Kampf, qui est un livre qui fait 700 pages, hein, qui est un pavé. Et c'est important de le rappeler parce que beaucoup de gens oublient ce côté très matériel et le nombre de signes de cet énorme livre que du coup peu de gens ont lu en entier. Et en même temps, non, qu'est-ce qu'on entend quand on dit « tout était écrit dans Mein Kampf » Non, c'est un texte contextuel qui a été écrit entre 1924 et 1926 et qui fait référence à cette époque-là. Donc il y a une tension dans ce livre qui est pas vraiment un programme, mais qui a une vision du monde à portée très générale et qui en même temps est enracinée et engoncée dans le contexte allemand de l'époque. Très important à rappeler ce contexte-là. Au moment où Hitler commence à écrire cet ouvrage, il est où? Il fait quoi? Alors, c'est un texte paradoxal pour une raison toute simple. Hitler déteste l'écrit. Hitler n'est pas quelqu'un de l'écriture. Et, paradoxe suprême, il l'écrit dans Mein Kampf. Il y couche sur des pages et des pages l'idée que l'écrit ne sert à rien. Évidemment, on le sait peut-être, Hitler écrit ce texte en prison, au Landsberg, après sa tentative de putsch raté du 9 novembre 1923. Et au départ, Mein Kampf, qu'est-ce que c'est? Il faut revenir sur la Genèse. C'est tout simplement quelques pages couchées par Hitler pour assurer sa défense dans son procès. Et puis en avril 24, tout d'un coup, il se dit « je vais en faire un livre ». Parce que, en tant que génie politique, j'ai l'oral, j'ai la démagogie, mais il me faut aussi le texte. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à écrire Mein Kampf. C'est-à-dire qu'il se construit une nouvelle image, celle de grand orateur, il l'a déjà, mais auprès des militants du parti nazi qui a tenté ce putsch à Munich en 1923. Par l'écriture, il compte se donner l'image de quoi? D'un théoricien, d'un visionnaire? Alors, au départ, Hitler écrit, le sous-titre de Mein Kampf, c'est Eine Abrechnung, c'est-à-dire un règlement de compte. Donc, on est vraiment dans un texte politique qui vise à régler des comptes avec l'extrême droite allemande de l'époque, à justifier le putsch raté. Et là où l'idée vient à Hitler, et elle est redoutable, et elle donne encore aujourd'hui une des charges de dangerosité du texte, c'est qu'Hitler sait qu'on ne parle pas aux Allemands de l'époque avec des grandes idées, qu'il faut leur parler avec de l'incarnation. Et il va décider seul, en juin 24, dans sa prison, conseillé par des dizaines de personnes qui passent tous les jours le saluer. C'est une prison qui ressemble à un hôtel. Les conditions de détention sont vraiment sans comparaison avec ce qui est aujourd'hui. Et il décide une chose simple, il va faire de Mein Kampf une autobiographie. Ce qu'on appelle en allemand un Bildungsroman, un roman d'apprentissage. Le jeune Autrichien, sans le sou, qui n'a aucun avenir, qui tout d'un coup va se découvrir le champion politique, le champion fanatique. Et c'est toute la première partie de Mein Kampf, parce que Mein Kampf c'est deux volumes, c'est ce premier volume qui est écrit en prison en 24 et qui paraît en juillet 25. Et pourquoi il est dangereux? Parce qu'effectivement, encore aujourd'hui, dans un nombre très important de pays, il est lu pour ça. Alors je vais le dire, c'est choquant, mais au Japon, en Inde et en Turquie, comme un manuel de développement personnel, de quelqu'un qui n'est personne et qui devient tout. Et ça donne une charge importante et une lisibilité au texte où, en fait, on passe à travers les épisodes. La jeunesse d'Hitler difficile, le passage dans la Dèche à Vienne avant la guerre, évidemment l'expérience de 14-18, etc. Le deuxième volume, qui sera écrit, lui, pas en prison, mais après, entre 25 et qui paraît en décembre 26, est beaucoup plus aride, ressemble beaucoup plus à un programme politique, à une vision du monde générale. Il est plus théorique et il va être en grande partie dicté à la secrétaire d'Hitler qui l'a écrit très très très vite, ce qui donne un texte extrêmement alambiqué et difficile à lire. On a une première partie qui est autobiographique. Nicolas Patin, pourquoi pas, hein, la démarche autobiographique, c'est intéressant. Le manuel de développement, là, tel que vous l'expliquiez, est-ce que c'est vrai d'ailleurs? Est-ce qu'il raconte sa vraie vie? Est-ce qu'il est sincère dans ce qu'il dit? Alors, dans toute autobiographie, il y a une part de mensonge, voire l'exercice lui-même, avec toute la sincérité qu'on peut y mettre, est un mensonge. Pour ce qui est d'Hitler, évidemment, c'est mensonge sur mensonge. C'est-à-dire que, c'était un des objets aussi de l'édition scientifique allemande et française, c'était d'annoter le texte, on y reviendra après, je suppose, d'annoter le texte pour dire ici Hitler romance, ici Hitler ment. Alors il y a tout un tas de choses de cet ordre-là. Je donne l'exemple le plus connu peut-être. Hitler, quand il est à Vienne, une fois que son père et sa mère sont décédés, vit dans, si vous voulez, dans la pauvreté, et il va s'en servir pour dire j'ai connu le peuple. Moi, il dit même, j'ai travaillé dans le bâtiment comme Mussolini. Alors, pour Mussolini, c'est vrai, il a travaillé dans le bâtiment, vraiment, de son corps et de ses muscles. Mais pour Hitler, c'est une mystification totale qui a été démontée il y a bien longtemps par Yann Kershaw. Il n'est pas dans le besoin au départ. Qu'est-ce qu'il fait, Hitler? C'est pas le type qui travaille dans la rue. Non, il dépense l'héritage de sa tante pour aller à l'opéra tous les soirs avec une cape écouter du Wagner. Donc on n'est pas tout à fait dans les quartiers de plèbe. Et ensuite, une fois qu'il a tout dépensé, là, il finit dans les asiles de nuit. Oui, il connaît la précarité, mais de sa faute, par sa faute. Et donc là, on a une transformation d'une réalité en une autre, en disant « moi, j'ai connu le peuple, moi, j'ai connu la social-démocratie, etc. » alors que pas du tout. Et ce genre de mystification et de mensonge, Mein Kampf, sur la partie autobiographique, en est truffé, que ce soit pour l'expérience de guerre. Et alors pour la suite, quand Hitler raconte les débuts du parti, évidemment, toutes les réunions publiques sont magnifiques, il y a toujours 2000 personnes, Hitler est toujours applaudi, alors que quand on regarde les rapports de police de l'époque, souvent Hitler parle en troisième, ils sont 200, les gens s'endorment, etc. Donc il y a une mise en roman de l'ensemble, et il y a tout l'enjeu de démonter ce genre de mystification. Mais cette bonne guerre, on l'entend bien, hein, et c'est le principe même du discours de propagande, il réécrit sa vie, il se présente comme issu du peuple, alors qu'on pourrait dire quoi, il vient de la petite bourgeoisie? Bon, alors cette question-là, j'ai envie de vous la retourner, c'est qu'est-ce qu'on en attend? Qu'est-ce qu'on en attend? Est-ce qu'on attend... Alors, Hitler est catholique, et donc est-ce que le problème... Il a été élevé dans le catholicisme, et 100% des militants nazis sont protestants. Qu'est-ce qu'on attend de ce genre de choses? Sur ses origines sociales, bon, je pense que ce qui est plus important, c'est d'où il vient géographiquement. Il vient de la frontière austro-allemande, à Linz, enfin Linz et Brno an Inn. Et d'ailleurs, c'est les premiers mots du texte, je viens de cette frontière, donc je suis destiné à peut-être réaliser la fusion grande allemande entre les Allemands d'Autriche et les Allemands d'Allemagne. Du point de vue social, son père est un fonctionnaire des douanes, donc c'est plutôt le milieu étriqué qui va marquer Hitler de cette voilà, petite famille qui a quand même un peu d'argent, enfin c'est pas la pauvreté, mais de fait c'est peut-être pas ça qui est décisif, c'est plutôt le côté ancrage des Allemands de l'époque qui se vivent comme un isolat avec la question de l'austro-hongroise et la slavité. Et donc ça marque énormément le parcours d'Hitler qui dit ben, finalement moi j'ai connu ce que c'est que d'être dans un empire multinational en tant qu'Allemand. Oui. Et ça c'est important. Est-ce qu'il maîtrise, alors il maîtrise l'écriture, oui bien sûr, mais savoir écrire, savoir mettre des mots côte à côte, ce n'est pas écrire un livre. A-t-il les armes intellectuelles sans doute pour faire un livre qui se lit? Alors la réponse est très simple et c'est non. Hitler a une culture d'autodidacte. Il faut résister à l'idée de dire, et encore une fois s'interroger sur les questions qu'on se pose, Hitler était-il intelligent ou intellectuel? Je pense que c'est mal formulé, parce qu'on attendrait qu'il soit stupide pour se dire mais le mal politique vient de la bêtise, ou au contraire qu'il soit très intelligent, etc., pour dire que le mal politique vient de l'intelligence. En réalité... Il y a eu un livre de Timothy Rybach sur la bibliothèque d'Hitler. On connaît en fait sa généalogie intellectuelle, qui est une généalogie d'autodidacte. À Vienne, il lit beaucoup de petites brochures. On sait qu'il a lu un certain nombre d'auteurs antisémites, d'extrême droite, etc. Il y a des livres très précis sur tout ça. Mais en fait, Hitler, c'est avant tout un brouet, c'est-à-dire c'est un mélange permanent de toutes les références. Il n'y a pas d'hierarchie. Jusqu'au début des années 20, il n'y a pas de colonne vertébrale. C'est-à-dire, et vraiment, quand on lit Hitler, tout menace toujours de verser dans le mélange total sans structure. Le malheur de tout ça, c'est que la structure que va trouver Hitler, c'est l'antisémitisme raciste, racial, qui va finir par structurer une vision complotiste qui va tout organiser. Ce qui fait que quand on arrive avec Mein Kampf, qui a une généalogie compliquée, Hitler a la paternité du texte. Il y a tout un tas de mythes qui diraient que c'est Rudolf Hess, son aide de camp, qui l'a écrit au Landsberg à sa place et tout. Non. Ça a été prouvé par Otmar Plöckinger. Hitler a la paternité du texte. Il le tape lui-même sur une machine à écrire Remington et il écrit les choses. Sauf que c'est tellement mal écrit, c'est tellement mal structuré. Il y a tellement de fautes d'orthographe, de fautes d'allemand, de fautes grammaticales que oui, effectivement, tous les gens qui passent en prison l'aident un petit peu, mais ne touchent pas à l'idée. En revanche, du point de vue de la langue, on y reviendra peut-être, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est une catastrophe à l'échelle micro, il y a des fautes pas possibles, le niveau de langue va pas, ça va très bien à l'oral, pour agiter dans les brasseries. Par contre, à l'écrit, ça va pas du tout. Et puis, à l'échelle, on va dire, moyenne, les structures de paragraphes, les structures de chapitres sont complètement circulaires, il revient aux mêmes idées 10 fois de suite, et donc c'est très très dur à lire. Vous avez cité Nicolas Patin, Rudolf Hess, qui est en prison avec lui, en fait, c'est ça? Oui, c'est l'ensemble, un certain nombre des putschistes et des proches de Hitler sont effectivement internés au Landsberg avec lui. Et l'épouse de Rudolf Hess aussi est là, et dans cette histoire, nous bénéficions de témoignages tardifs, Ilse Hess. Hitler a tapé Mein Kampf avec 2 doigts sur une machine à écrire. Quand le manuscrit a été terminé, il a été fait un premier tirage d'épreuves destiné à être corrigé. Et ce sont ces épreuves que mon mari et moi avons corrigées de très près. Parce qu'Hitler était un orateur et pas un écrivain. Weil Hitler ein Sprecher war und kein Schreiber. Ja, so, wer hat Mein Kampf geschrieben? Alors, qui a écrit Mein Kampf? C'est Hitler qui l'a écrit, mais disant qu'il avait écrit « Nous devons lutter contre le traité de Versailles » et il répétait cette même phrase dans 3 passages différents. On ne fait pas ça quand on écrit un livre. Mais ce n'était pas évident pour lui, car il était un orateur, mais pas un écrivain. Et mon mari a, pour ainsi dire, gommé les répétitions. Il a coché les épreuves, puis il a dit à Hitler qu'il valait mieux écrire tel passage comme ça. Et ce n'est qu'après l'accord d'Hitler que le texte était corrigé. Nous étions en 1978 quand Ilse Hess donc donne son témoignage. Il faut rappeler que cette femme, l'épouse de Rudolf Hess, est morte tardivement. Elle est morte en 1995, Nicolas Patin. Il y a ici alors la recherche toujours de la construction d'un texte aussi important que Mein Kampf par sa postérité, mais pas par le texte lui-même. Ça qui est paradoxal en fait dans cette histoire-là. Donc nous avons un Hitler qui écrit tout seul, il tape à la machine et écrit. Et derrière, c'est un peu repris. On voit la différence entre ce premier volume écrit en prison qui est l'autobiographie, et puis ce qui est écrit après, où là il bénéficie, vous nous l'avez dit, d'une secrétaire. Alors oui, tout à fait, il y a une sorte de dénivelé. Alors déjà, il y a des dénivelés entre chapitres, où il y a des choses qui sont... Quand il s'agit, par exemple, de relater son expérience de guerre, il s'inspire de Ernst Jünger, parce qu'il l'admirait énormément. D'ailleurs, il y a une discussion entre deux, par écrit. Donc là, on est dans des chapitres canonique, j'ai envie de dire, de l'expérience de guerre avec le baptême du feu. Et puis le volume 2, où Hitler a replongé dans l'activité politique et où, du coup, à certains moments, il dicte quasiment 100 pages en 1 ou 2 semaines, dans cette parution de 1926. Là, on est dans des choses beaucoup plus théoriques, notamment les chapitres comme « Peuple et race », qui sont ou « Propagande et organisation ». Et là, effectivement, il y a un changement de style assez drastique où on retrouve, en fait, les mêmes erreurs grammaticales, cette pensée circulaire qui est très, très spécifique à Hitler, où, en fait, Comme l'a dit le témoignage à l'instant, comme il est habitué à parler à l'oral, donc à revenir de manière sempiternelle sur les mêmes idées, à l'écrit, on retrouve cette manière de revenir sans cesse sur les mêmes choses. Et donc c'est vrai que ce deuxième volume, non pas que le premier volume soit facile à lire, mais le deuxième est encore pire. Et il y a vraiment cette difficulté avec parfois des pensées très, très confuses, ce qui pose, pour le cas français, le problème de la traduction, de comment transcrire cette confusion. Bien, ça tombe bien parce que nous avons avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, Olivier Mannoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de « Comment traduire Hitler ». Vous avez participé à cet ouvrage collectif « Historiciser le mal », une édition critique de Mein Kampf chez Fayard. Dans la question que je vais vous poser, la réponse est déjà présente. Hein. Vous êtes traducteur de Zweig, de Kafka et de Hitler. C'était une épreuve ? C'est toute traduction est une épreuve. Disons que là, on a Nicolas Patin l'a très bien dit, on a affaire à un texte qui est totalement atypique, qui relève ni de la littérature, ni du témoignage réel, ni même du traité politique. Et donc, on est confronté déjà à un type de texte qui est tout à fait étrange entre l'autobiographie, la théorie, et puis quand même aussi le déversement de la haine. Ça, c'est sur le fond, mais sur la forme, on a comme Nicolas Patin l'a aussi dit, on a une langue qui est absolument épouvantable, avec deux caractéristiques, ce brouet dont a parlé Nicolas, c'est-à-dire cette impression d'un texte qui est un conglomérat de mots qu'on a assemblés les uns avec les autres sans structure correcte et même sans logique, cette circularité absolument incroyable qui fait qu'on revoit des phrases qui reviennent très régulièrement et qui font de très longs paragraphes qui aboutissent en général à des idées relativement simplistes mais toujours les mêmes. Donc oui, c'est une épreuve dans la mesure où c'est une confrontation avec un mode d'écriture qui est extraordinairement pénible à travailler, simplement comme un sculpteur qui serait obligé de travailler de la glaise humide et gluante. Traduire Hitler, hein, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Dans cette traduction, il y a, c'est vrai, la question, et on va développer autour de ce livre Mein Kampf, la matérialité de l'ouvrage. D'ailleurs, le texte premier, celui sur lequel vous avez travaillé, Olivier Mannoni, c'est lequel ? Parce que il y a plein d'éditions, on le sait, ça vaut pour tous les livres, mais on veut être à l'origine du texte, au plus près du texte. De quoi disposiez-vous ? Alors, on a travaillé avec l'édition de 1925, donc la toute première, dans la version d'origine, donc en fracture, en écriture ancienne allemande, sur une photocopie simplement du texte d'origine. Et effectivement, Hitler a révisé son texte en fait pratiquement jusqu'en 44, mais Nicolas Patin doit le savoir mieux que moi, en ajoutant des choses, en changeant, en enlevant aussi. Donc là, effectivement, on est sur le texte d'origine, celui qui est effectivement sorti en 1925. Et pour un texte, bien souvent, Nicolas Patin, il y a un manuscrit. Ah oui, c'est vrai, hein, ça, c'est conservé dans les bibliothèques, aux archives. Est-ce qu'on dispose d'un manuscrit de Mein Kampf ? Non, le travail le travail à souligner de généalogie sur Mein Kampf, c'est l'auteur autrichien Otmar Plöckinger qui alors il y a eu en France le gros travail d'Antoine Wittkin, son documentaire et son livre, hein, qui était un travail sur la circulation du livre, mais sur la genèse du livre, c'est ce travail qui n'est pas traduit en français de Otmar Plöckinger et qui a montré qu'en fait on a quelques feuillets dont j'ai parlé, ce début de défense du début année 24. Mais sinon, sur le travail qu'on a pu faire, y compris avec Olivier Mannoni, que je salue, c'était vraiment grâce à l'Institut d'Histoire du Temps Présent de Munich qui nous ont fourni en fait les photocopies pour pouvoir travailler sur les différentes variantes, puisque l'édition scientifique allemande, elle, a travaillé sur vraiment tous les petits ajouts des 20 et quelques éditions jusqu'en 1943, mais qui n'étaient pas des modifications profondes. C'était des modifications de style, parce que malgré tout, ils se rendaient compte qu'il y avait toujours des fautes qu'ils avaient laissées dans la langue hitlérienne. Et donc, eux-mêmes ont mis en place une sorte de philologie de ces différentes petites variantes dans l'édition scientifique. Donc voilà sur quoi on a travaillé. C'est étonnant qu'il n'y ait pas de manuscrit pour un texte aussi important et tel qu'Hitler le concevait. Mmh. On imagine l'auteur conserver précieusement son manuscrit. Non, on ne l'a pas. Mmh. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'une fois que le texte a été produit, il y a ces éditions d'ailleurs qui l'éditent, parce que toujours dans cette idée de diffuser un texte, faut trouver un éditeur qui l'accepte, c'est de l'argent, hein, c'est de l'investissement. Alors c'est une question intéressante qui montre aussi, c'est important pour la genèse du texte, c'est-à-dire que Hitler n'a pas besoin de trouver un éditeur. Toujours au Landsberg, toujours dans ce moment décisif de avril-mai-juin 1924, l'éditeur il est tout trouvé. C'est l'éditeur du Völkischer Beobachter, du journal nazi, donc c'est Max Amann, possède toutes les maisons d'édition nazies, qui est quelqu'un qui est très très pointilleux sur les finances et qui en fait va flairer le bon coup. C'est d'ailleurs lui qui transforme le titre de Mein Kampf, parce qu'au départ, le sous-titre c'est donc un règlement de compte, mais le titre s'appelle « 4 ans et demi de combat contre la lâcheté, le mensonge et la faiblesse ». Et d'ailleurs, 80 et demi, c'est plutôt bien pensé parce qu'il y a une sorte, on ne sait pas bien si ça fait référence aux 80 et demi de 14-18 ou aux 80 et demi de combat entre 1918 et 1923, qui serait le combat politique des nazis. Max Amann regarde Hitler, ils sont dans la prison, tout va bien, les 500 visites que reçoit Hitler le temps de sa détention, hein, on est bien tranquille. Et Amann lui dit, mais attendez, 4 ans de combat contre ceci, etc., ça marche pas du tout, on va juste appeler ça mon combat. Et Hitler dit OK. Donc vous voyez que dès le départ, c'est une entreprise qui a un but commercial. Et Hitler, qui est aussi un fin, qui est toujours sans le sou, donc il pense à ses profits, négocie avec Amann que ses avances, il puisse s'acheter une voiture, il adore les voitures, une Mercedes Compressor avec les droits de Mein Kampf. Je conclurai en disant que c'est pas une mince affaire, puisque une fois au pouvoir, on l'évoquera, Hitler fait circuler le texte à des millions d'exemplaires et il ne paye pas un sou d'impôt sur ces questions-là. Donc Mein Kampf va le rendre extrêmement riche dans la corruption la plus totale. Pas d'impôt, il touche l'ensemble de l'argent. Donc ça fait partie de la genèse. Mein Kampf est aussi pensé comme un livre qui a pour but de faire marcher les éditions nazies et de rendre Hitler quand même assez riche. Et c'est vrai que on l'oublie souvent, on prend le texte pour sa portée et son contenu est bien souvent très déformé sans le lire même. Et puis il y a la réalité de ce texte. Olivier Mannoni, dans cette traduction, il y a ce vocabulaire particulier, vous l'avez dit, sur cette syntaxe. Et c'était un texte d'oralité, en fait, qui s'est transformé en écrit, mais qui ne correspond pas à un écrit dans la perfection, de la pureté de la langue qu'on pourrait attendre. Quelles sont les grandes difficultés de traduction de ce texte ? La première grande difficulté, c'est que Nicolas Patin l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui ne maîtrise pas l'écrit et qui veut quand même produire un texte. Alors il y avait effectivement les questions financières qui étaient importantes. Il y a un autre but hein, dans l'apparition de ce livre, c'est aussi de se redonner une stature politique après le putsch manqué de 23 et son emprisonnement. Hitler a très très peur d'être mis en minorité dans son propre parti et donc c'est aussi une manière de redresser la tête. Donc il va tenter de réécrire un texte qui le fasse passer non plus pour un simple orateur de bar, ce qu'il est encore à cette époque, mais pour un intellectuel. Et donc il va tenter effectivement de produire un texte intellectuel. D'où le problème majeur, c'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens, non seulement linguistiques mais intellectuels, de produire des raisonnements écrits sur une longue distance. Et chacun de ces raisonnements dérape très très rapidement. Là, ce sont des toutes petites choses au niveau du langage. D'abord, c'est un excès de mots qui est vraiment flagrant, c'est-à-dire qu'il est absolument incapable de faire une phrase sans rajouter 3, 4, 5 adverbes, parfois plus, pour donner des nuances, ce qui donne à chacune de ces phrases une lourdeur phénoménale. Et en plus, leur casse la colonne vertébrale. Et donc, très souvent, il se laisse emporter lui-même par son texte dans cette espèce d'avalanche de mots et la structure logique sur laquelle il était parti dérape et donne une autre fin de phrase, une autre fin de paragraphe qui n'a plus rien à voir avec le milieu et avec le début, et on se retrouve en fait avec des espèces d'illogismes complets sur des paragraphes entiers. Et je l'ai dit tout à l'heure, qui débouche quand même sur des conclusions extrêmement simples, extrêmement percutantes, comme il le fait quand il tient des discours. Donc la première tare, si vous voulez, de ce texte, c'est son manque total de maîtrise de la logique écrite. Et la logique écrite apparaît, vous nous le dites, comme à la fin, avec des idées simples. En fait, c'est ce paradoxe, là encore, qui apparaît dans le texte, avec un phrasé extrêmement complexe, beaucoup de mots, tout se mélange, et puis des idées simples. En fait, c'est dissimulé sous couvert de « je mets beaucoup de mots », la faiblesse de l'argumentation, mais pour arriver quand même, Nicolas Patin, à un but, il y a quand même des idées. Alors c'est vrai, c'est intéressant ce que dit Olivier Mannoni. On retrouve un peu ce que Klemperer, hein, le grand philologue persécuté en tant que juif par le régime, écrit dans la langue du Troisième Reich, c'est-à-dire ce côté, l'extension des superlatifs. La pensée nazie ne peut pas faire dans la finesse. Tout doit être über, tout doit être au-dessus. Et Georges Didier Huberman a livré des très belles analyses là-dessus dans son dernier ouvrage. Pour vous répondre, ce qui est terrible dans ce texte, c'est on est en train quand même de tomber dans le paradoxe. Si c'est mal écrit, si c'est ampoulé, si c'est plein d'emphase, etc., pourquoi ça a marché ? C'est-à-dire pourquoi tout d'un coup, et déjà est-ce que ça a marché, mais les gens l'ont lu, etc. Pourquoi les gens ont projeté quelque chose dessus ? Mais le problème, c'est que le ciment réparateur de toutes ces fissures, de toutes ces faiblesses, c'est tout simplement l'unicité et la violence et la puissance de l'idée raciste et complotiste. C'est-à-dire que l'antisémitisme sert de palliatif à tout ça, unit le texte dans une vision complotiste où la haine des juifs explique tout, explique la défaite allemande de 1918, explique les malheurs de l'Allemagne sous le Kaiserreich, sous l'Empire allemand, explique les problèmes du parti nazi. Tout est expliqué comme ça, et donc, sous ces dehors très ampoulés, très complexes à lire, le texte en lui-même n'est, en fait, malgré les composantes qu'on vient de définir, sa colonne vertébrale, c'est l'antisémitisme comme clé d'interprétation de l'histoire, du passé, du présent et du futur. Et c'est ça qui donne sa force. Et effectivement, il y a des passages qui, en dehors d'être très mal écrits, sont insupportables à lire puisqu'ils vomissent d'un antisémitisme assez spécifique. Il y avait énormément d'antisémitisme en Europe à l'époque. L'affaire Dreyfus n'est pas allemande, hein. Il y avait énormément d'antisémitisme radical en Allemagne. Mais Hitler y ajoute une lecture darwiniste, biologique, entièrement raciale, qui est peut-être spécifique, y compris dans le champ de l'extrême droite de l'époque. Et donc on retrouve cette lecture-là dans Mein Kampf, qui unit tout par une idée simple, tout est la faute des Juifs. C'est ça qui constitue le caractère terrible de ce texte. Olivier Mannoni, au moment de traduire Mein Kampf, vous retrouvez tout ce champ lexical lié à la haine des Juifs? Alors oui, je suis parfaitement d'accord avec Nicolas Patin sur l'élément unificateur. C'est effectivement, il ramène tout à cela. Donc, si on veut simplifier, c'est effectivement la grande ligne directrice. Il faut quand même aussi préciser qu'il y a une espèce de sous-couche de multiple qui est motorisée, si j'ose dire, par une haine généralisée d'un certain nombre d'éléments biographiques. Et l'autobiographie, on l'a dit, joue un rôle important là-dedans. Hitler développe aussi une haine généralisée du savoir, des connaissances, une haine de l'enseignement, une haine de la culture. Il y a tout ça qui s'exprime aussi dans Mein Kampf, le refus total d'un monde qu'il a rejeté, je veux dire qui a rejeté Hitler, en lui refusant notamment son accès à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, d'un monde qu'il a rejeté parce qu'il n'a pas la culture suffisante pour tenir une discussion réelle sur le plan intellectuel, parce que, comme on l'a dit, c'était un autodidacte qui picorait à droite à gauche ses connaissances et qui était totalement incapable de les relier entre elles. Et tout ça s'exprime aussi à travers cette haine générale du savoir, de la connaissance, de la culture, qui sont toutes présentés comme des éléments de décadence. La décadence, et là on revient à ce que disait Nicolas à l'instant, la décadence étant due à la présence et à l'influence juive sur l'Allemagne et sur l'Europe. Ça, c'est vraiment le trait continu, et d'ailleurs c'est ce qu'on retient bien souvent, mais avec une lecture a posteriori, parce que nous connaissons la suite de cette histoire-là, le Reich, la solution finale. Est-ce que tout cela est déjà présent dans Mein Kampf? C'est-à-dire l'antisémitisme, oui, il n'y a pas de problème, mais l'idée qu'il est nécessaire d'éliminer les Juifs, Nicolas Patin. Alors c'est une question qui est très complexe et qui est encore en débat aujourd'hui. Pour la reformuler peut-être, c'est-à-dire est-ce qu'il y a à Auschwitz dans Mein Kampf? Mein Kampf est écrit en 1924, 25, 26, à une époque où Hitler, tout convaincu qu'il est de sa destinée, n'a aucune idée qu'il dirigera un jour l'Allemagne. Et comme l'a dit Olivier, il veut reprendre le contrôle sur son parti, mais si on lit le texte, c'est pour ça que souvent quand on dit Mein Kampf est un programme, je suis pas d'accord. On ne joue pas tout seul, mais c'est pas un programme, il n'y a pas une liste d'actions à faire. 90% vraiment à la louche du texte est constitué par une vision du monde, une Weltanschauung, une conception générale du monde. Et 10% peut-être des solutions, des choses qu'il faudrait faire, un caractère prescriptif. Mais c'est tellement général que si vous voulez, vous n'allez pas y trouver une décision de ce qu'il faut faire pour les syndicats, ce qu'il faut faire pour les partis politiques, qu'est-ce qu'il faut faire pour le redressement économique de l'Allemagne. Pour ce qui est de l'antisémitisme, la question a été évidemment centrale, puisque Mein Kampf étant devenu, après 1933, un symbole, la Bible des nazis, un livre totem du Reich, les gens ils sont allés chercher, donc, a posteriori, des explications de politique internationale, parce qu'il y a beaucoup de choses sur ce sujet-là aussi dans le livre, et effectivement, une sorte de causalité, de projet hitlérien par rapport à l'extermination des Juifs d'Europe. Et il y a des ambiguïtés. Le texte déborde de haine antisémite, d'une part, et il y a un passage, de mémoire, à la page 677 de l'édition française de 1934, où Hitler parle des Juifs de la Première Guerre mondiale et dit « Si nous avions tenu 10 à 12 000 de ces hébraïques corrupteurs sous les gaz de guerre, il n'y aurait pas eu la révolution allemande. Alors évidemment, là, on se dit, ah ben, ça y est, il avait déjà Auschwitz en tête. Alors, des dizaines d'années de recherches précises, que ce soit sur Mein Kampf ou sur le génocide, ont démontré que, si on laisse Mein Kampf de côté, la solution finale de la question juive, telle que la concevaient les nazis, est un processus sinueux, complexe, qui s'invente dans la guerre. En 1941, au moment de Barbarossa, les nazis sont sur des solutions où ils pensent déporter les juifs, ils ne pensent pas les tuer. Et puis petit à petit, avec les Einsatzgruppen, les unités de tuerie à l'Est, les choses commencent à changer. Et puis ensuite, la solution revient pour la Pologne, etc. Donc on est face à un processus très long, complexe, lié à la Seconde Guerre mondiale. Donc la réponse est non, ça c'est pas écrit dans Mein Kampf. Le seul mot qu'on trouve dans Mein Kampf très souvent, c'est « entfernen », qui veut dire « éloigner les juifs du corps allemand », mais c'est pas précis. Il y a nulle part écrit ce qu'il faut en faire pour s'en débarrasser. En revanche, là où moi j'ai mon opinion qui est que tout se décide très tard. Mais ensuite, quand on pense dans la tête d'Hitler, dans les textes dont on dispose, on ne peut pas savoir si à cette époque-là, il n'avait pas déjà conceptualisé l'idée que éloigner, se débarrasser, et il faut revenir au texte allemand pour comprendre l'ambiguïté de ces termes-là, ne voulait pas dire tout simplement tuer. Et ça, moi en tout cas, je considère qu'on ne peut pas le savoir. Parce que c'est toute la question hein, de l'interprétation et de la contextualisation d'un ouvrage. La contextualisation, c'est aussi cette réflexion sur ce qu'Hitler m'a dit. C'est le titre d'une émission de 1970. Vous allez me demander ce que signifie dépeuplement. Et si j'ai l'intention de supprimer des nations entières. Eh bien oui, c'est à peu près cela. La nature est cruelle. Nous avons donc le droit de l'être aussi. Au moment où je vais lancer dans l'ouragan de fer et de feu de la guerre future la fleur du germanisme, sans éprouver le moindre regret du sang précieux qui va couler à flot, qui pourrait me contester le droit d'anéantir des millions d'hommes de races inférieures qui se multiplient comme des insectes, et que je ne ferai pas d'ailleurs exterminer, mais dont j'empêcherai systématiquement l'accroissement. Il existe plus d'une méthode pour supprimer systématiquement les nations indésirables, d'une manière relativement indolore, et en tout cas, sans trop faire couler de sang. Hermann Rauschning, Hitler m'a dit. Alors, Hitler m'a dit, donc Hermann Rauschning, il y a le texte, Mein Kampf, il y a les discours, et on l'a dit combien Hitler est un bon orateur. Olivier Manouni, d'ailleurs, vous avez travaillé aussi sur les discours d'Hitler, c'est-à-dire que pour comprendre Mein Kampf, il est obligé d'insérer ce texte-là dans un discours beaucoup plus large. Je m'en suis beaucoup servi pour écouter le rythme de sa voix, parce qu'en fait, il écrit comme il parle. Et ça permet de comprendre en fait le rythme de ses phrases, de comprendre pourquoi elles sont incohérentes et pourquoi il n'y arrive pas. On peut pas écrire un livre comme on tient un discours, c'est totalement impossible. Et le public n'est pas le même. Et le but n'est pas le même non plus. Donc oui, il faut absolument connaître ces discours. On a parlé d'ambiguïté des termes. C'est une des caractéristiques non seulement de Mein Kampf, mais de la totalité du langage nazi d'un bout à l'autre. Et Didier Huberman revient magnifiquement dans son livre sur ce point précis. C'est-à-dire qu'il y a en permanence une volonté de camoufler la réalité. Donc le langage sert d'une part à dépeindre un tableau horrifique de l'Allemagne et de l'Europe décadente, mais aussi à annoncer des choses dont il est effectivement extrêmement difficile de savoir de quoi il retourne. Et c'était aussi bien dans Mein Kampf que dans ses discours, c'est-à-dire que cette quantité de mots qui sont déjà dans Mein Kampf et qui désignent Entfernen, par exemple, Vernichtung, la destruction, qui désignent des choses qui sont aussi bêtes qu'effectivement éloigner une poussière de la manche de sa veste, ou chasser toute une population d'un pays, elles vont traverser à la fois Mein Kampf, les discours de Hitler et ensuite tout le langage qui va se mettre en place sous le nazisme, qui est un langage d'une part de propagande, mais aussi et d'une manière beaucoup plus profonde, un langage juridique et un langage administratif. Et ces mots-là qui sont dans Mein Kampf vont en fait s'infiltrer dans la totalité du langage courant allemand, aussi bien de l'administration que du peuple, et déboucher sur une réalité qui en fait va devenir une réalité meurtrière dissimulée par les mêmes mots que dans Mein Kampf. Et évidemment, il faut pas voir dans Mein Kampf ni dans les discours de Hitler en 24 rétroactivement ce qu'il pouvait cacher à l'époque. Déjà, ça n'a pas de sens. C'est simplement des mots qui ont accompagné une évolution en la dissimulant. Olivier Mannoni, les discours évoluent par définition parce qu'ils sont liés à un moment précis, à une circonstance, un événement, n'importe quoi. Ils évoluent dans le temps. Un texte est censé rester figé. Qu'en est-il de Mein Kampf ? Hein, on l'a bien entendu, deux volumes publiés au milieu des années 1920. Ça reste figé ? C'est un texte immuable ? Hitler lui-même ne l'a repris, Nicolas Patin l'a dit tout à l'heure, que sur des détails. Donc ça reste effectivement une espèce de bible, sinon du régime, du moins en tout cas de la présence symbolique de Hitler entre 1924 et 1945, de son évolution aussi. L'évolution, elle se fait après, elle se fait comme vous l'avez décrit dans le dialogue avec Rauschning, elle se fait aussi au gré de l'évolution politique, de la progression politique de Hitler, de son accession au pouvoir, de la mise en œuvre de ses objectifs, de du moment où il commence à travailler directement en vue de la guerre, puis de l'évacuation et l'extermination des Juifs. Tout ça se met en place avec un appareil de langage qui à chaque fois va entourer les actions qui sont menées, dont langage dont une partie se trouve déjà dans Mein Kampf et le reste est inventé au fur et à mesure. On a parlé tout à l'heure des Einsatzgruppen, par exemple. Il n'en est évidemment pas question dans Mein Kampf. C'est un terme qui a été mis en œuvre plus tard pour désigner une réalité historique militaire. Et puis ce livre, quand même, est destiné, dans l'image que nous en avons, à être diffusé. Mais c'est la réalité aussi, Nicolas Patin, vous nous l'avez dit. À partir de 1933, Hitler est au pouvoir. Très bien, le livre est diffusé énormément. Ça rapporte beaucoup de sous. C'est très intéressant, hein, cette analyse sociale, économique de cette histoire du livre. Mais tout le monde ne peut pas lire un livre aussi gros, dans le sens où, si, tout le monde peut le lire, mais ce n'est pas l'utilité. On va vendre plus facilement des livres plus petits. Il existe des versions plus accessibles. Alors sur la circulation du texte, en fait, il y a quelques idées importantes à retenir parce que il y a cette mythologie de Mein Kampf n'a pas été lu, c'était dès l'époque pour délégitimer le texte. Les gens disaient non, personne ne l'a lu. Et en même temps, on est bloqué dans cette vision paradoxale de mais finalement tout le monde l'a lu puisqu'il s'est diffusé énormément. Alors si on veut être très précis, le livre au tout départ n'est pas du tout un succès. Il se vend à 10 000 exemplaires en gros jusqu'en 1930. Il est lu beaucoup à l'extrême droite puisque énormément de choses visent à régler les conflits dans cette même extrême droite. Et en fait, moi, c'est ce que j'appelle un livre a posteriori. C'est-à-dire que le livre n'est pas lu pour lui-même. Une fois que les nazis obtiennent quasiment 20% des voix, 18,3%, aux élections législatives du 14 septembre 1930, là, tout d'un coup, les gens se disent « Mais ce petit parti dont on n'entendait pas parler, tout d'un coup, arrive sur la scène nationale. Vite, il faut qu'on comprenne ce qu'ils veulent. » Et donc, on lit Mein Kampf a posteriori. Là, le livre connaît un certain succès, entre 1930 et la prise du pouvoir le 30 janvier 1933, aux alentours de 200 000 exemplaires. Alors aujourd'hui, ce serait considérable, mais à l'époque, c'est moyen. C'est-à-dire qu'un livre de l'extrême droite qui s'appelle « Un peuple sans espace », lui, s'est vendu à 500 000 exemplaires. Donc on est face à un livre qui n'est pas très lu, mais qui est quand même lu par un certain nombre d'observateurs. Les gens ont lu, parcellairement. Les catholiques lisent les partis anticatholiques. Les juifs allemands voient les partis antisémites. La gauche allemande, le SPD, le KPD, voient aussi ça. Ensuite, après 1933, tout change. Le livre est diffusé, c'est une estimation fiable, à 12,5 millions d'exemplaires dans l'Allemagne de l'époque. Énorme. Et quand je dis diffusé, payé, alors les jeunes mariés le reçoivent, les soldats de la Wehrmacht le reçoivent, donc ce qui permet les profits d'Hitler. Et là, effectivement, quel est l'aspect du livre comme objet symbolique ? Les gens l'ont, ça fait 700 pages, ils ne l'ont pas forcément lu. Ils lisent des passages. Comme vous venez de le suggérer, effectivement, il y a des petits, des abrégés, y compris dans l'arène scolaire, qui là vont être travaillés, notamment ce fameux chapitre « Peuple et race », qui est vraiment le cœur de l'analyse raciale et antisémite du livre. Et donc finalement, on est face à un paradoxe, c'est-à-dire que le livre, moi je pense, joue avant tout comme totem, joue avant tout comme symbole. C'est pour ça qu'en France, on l'appelle la Bible du Troisième Reich. Mais les travaux qui ont été faits montrent que, par exemple, les gens l'empruntent en bibliothèque. Donc il y a quand même un attrait, il y a quand même une lecture. Mais simplement, je pense que ce qui domine, c'est la lecture fragmentaire. Mein Kampf est toujours lu par fragments, sans voir le dessin général de cette lecture raciale qui unifie le texte. Olivier Mannoni. Oui, il faut aussi préciser une chose quand même, c'est qu'à sa parution, le livre est très très mal reçu. Hein. Quand on regarde la presse de l'époque, à gauche, bien évidemment, il est critiqué d'une manière très très violente, mais même à l'extrême droite, il y a un journal pro-nazi qui s'appelle la Deutsche Zeitung, qui parle d'élucubration et l'écologie, d'élucubration idéologique, pardon. Un journal nationaliste s'appelle la Neue Preußische Zeitung, qui écrit « On recherche de l'ingéniosité et on ne trouve que de l'arrogance ». Toutes les réactions sont de cet ordre-là, et chez les intellectuels qui lisent ou qui tentent de lire le livre, la réaction est unanime chez les écrivains notamment, et ils disent mais comment est-ce que quelqu'un qui écrit un livre pareil peut prétendre espérer jouer un rôle politique un jour? Donc en fait, à la parution du livre, les réactions immédiates qu'on a dans les milieux journalistiques et érudits sont totalement négatifs, et ça contribue, je pense, aussi à ce que le livre, au début, n'ait pas été lu d'une manière extrêmement intensive. Que trouve-t-on dans Mein Kampf? Extrait. Dans Mein Kampf, Hitler, près de 10 ans avant de prendre le pouvoir, avait écrit « Le droit le plus sacré en ce monde est le droit à la terre que l'on veut cultiver soi-même, et le plus saint des sacrifices est celui du sang versé pour elle. Et notre tâche, la mission du mouvement national-socialiste, consiste à amener notre peuple à ses conceptions politiques qui lui feront voir son avenir, non dans les enivrantes impressions d'une nouvelle campagne d'Alexandre, mais dans le travail laborieux de la charrue allemande à laquelle le glaive n'a qu'à donner la terre. » Et enfin, toujours extrait de Mein Kampf, cette conclusion délirante qui sera la pensée suprême de l'État nazi. Un État qui, à une époque de contamination des races, veille jalousement à la conservation de la sienne, doit devenir un jour le maître de la terre. Nous étions en 1946 pour la lecture de ces extraits de Mein Kampf. Nicolas Patin, vous le disiez, lecture par extrait, on va chercher ce qui nous intéresse. Mais c'est aussi la force de ces textes compliqués, très longs, assez ambigus, où on va piocher ce qu'on veut en fait. Il y a plein de lectures possibles. Mais c'est exactement ça, c'est Mein Kampf, lecture fragmentaire, Mein Kampf comme surface de projection. C'est-à-dire que chacun y projette ce qu'il veut. Je donne un exemple, on s'était intéressé avec les collègues à la lecture française. Le texte est traduit en février 1934 par les nouvelles éditions latines de Fernand Sorlot, et au départ est assez peu lu. On avait analysé la presse, et c'est à partir de 38-39... quand arrive l'Anschluss, la fusion avec l'Autriche, quand arrive la crise des Sudètes, quand arrive Munich, que tout à coup, encore une fois, texte a posteriori et texte de projection, les Français se mettent à lire Mein Kampf dans une de ses composantes, c'est-à-dire le programme, entre guillemets, de politique étrangère. Et là, ils vont y chercher, mais qu'est-ce qu'il va faire, la lutte contre le bolchevisme, la vision de l'Angleterre, la France comme ennemi héréditaire. Donc vous voyez, chacun va y projeter. Effectivement, dans chaque fragment jamais lu, le texte n'est jamais lu en entier, et c'est ce qui constitue malheureusement une sorte d'efficacité de ce document jusqu'à nos jours. Oui, c'est cette complexité de l'ouvrage qui fait son efficacité, Olivier Mannoni. Au moment de traduire Mein Kampf, et c'est ce qui est fait avec Historiciser le mal, une édition critique de Mein Kampf, l'appareil critique, c'est-à-dire toutes ces notes, toutes ces explications, mais sont fondamentales, ne serait-ce que pour comprendre en tant que lecteur, c'est pas simplement une contextualisation de l'écriture qui est nécessaire, c'est simplement, il faut expliquer tellement c'est incompréhensible sinon. C'est incompréhensible. Et puis, alors, le premier travail des historiens avec lequel j'ai eu la chance de mener ce travail, ça a d'abord été un travail de démenti, un travail de fact-checking. C'est-à-dire que on vérifie ce que dit Hitler dans toute la partie autobiographique, on démonte les mensonges un par un, ce qui a été un travail considérable. Et puis après, effectivement, chaque élément utilisé par Hitler, que ce soit dans ses théories ou dans les faits historiques qu'il cite, qui sont tous souvent extrêmement vagues et très souvent fautifs, a fait l'objet de corrections, de compléments, etc., qui, moi, m'ont été apportés au fur et à mesure des échanges très, très nombreux qu'on a eus dans cette traduction qu'on a menée en commun, et qui ont rééclairé le texte sur la base de ce que j'en avais lu, moi, d'un allemand extrêmement confus. Et donc, on a effectivement un texte qui est assez marécageux, avec plein de projecteurs qui l'éclairent, qui tentent de l'expliquer. Ça ne le rend pas plus lisible, mais ça permet au moins de comprendre à partir de quels éléments fallacieux ou réels Hitler a pu travailler pour élaborer à la fois sa théorie et constituer son texte dans tout son flou, dans tout son illogisme, mais un texte qui quand même effectivement a gardé une valeur à la fois symbolique et une valeur aussi programmatique. Et puis il y a la difficulté, alors là c'est inhérent à la traduction, de ce que signifient certains mots, c'est-à-dire de la réalité de ce que peut couvrir un mot avec des perceptions différentes. Un mot en allemand traduit avec le mot qui correspond dans le dictionnaire français par exemple, ça ne veut pas dire en réalité la même chose. C'était une difficulté aussi avec Mein Kampf. Bien entendu. Alors l'allemand, contrairement à ce qu'on croit, est un langage extrêmement polysémique, c'est-à-dire que très souvent des mots ont plusieurs significations possibles. Et dès Mein Kampf, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, on a la volonté d'utiliser cette polysémie pour laisser dans le flou un certain nombre d'intentions. C'est présent dans Mein Kampf, ça va devenir systématique dans le développement du régime nazi, au niveau diplomatique, mais aussi et surtout pour ce qui concerne les décisions prises contre les Juifs en Allemagne puis en Europe. Et donc l'interprétation de ces textes est toujours extrêmement compliquée. Il y a des mots comme Vernichtung, j'en ai parlé tout à l'heure, qui veut dire à la fois la destruction mais aussi l'extermination, donc qui peut avoir un sens assez banal, hein, de destruction, je sais pas, d'un objet, d'un immeuble, et puis la destruction d'une population, comme on l'a entendu après chez Rauschning. D'autres mots qui sont tout à fait ambigu, sur lesquels on a eu aussi de longues discussions, comme Judentum, qu'il utilise à longueur de temps dans ce texte, et dont il a été difficile de cerner la réalité. C'est un terme qui est le pendant du mot allemand Deutschtum, qui signifie la germanité. Et donc, après de discussions assez longues, on a décidé de prendre l'équivalent de germanité, c'est-à-dire judaïté, pour rendre ce mot, alors que l'édition de 34, par exemple, y voyait quelque chose de beaucoup plus violent et traduisait systématiquement juiverie, ce qui était, à mon avis, une grosse erreur. Donc, chaque terme utilisé par Hitler est d'une part ambigu, compliqué, et d'autre part, quand on traduit ça, il faut éviter un écueil majeur, c'est-à-dire de rétro-projeter la signification qu'ont pu avoir les mots après. L'exemple qu'a donné Nicolas Patin tout à l'heure sur cette histoire de gaz pendant la guerre de 14 est typique. On peut absolument pas, ça j'en suis absolument persuadé, on ne peut absolument pas utiliser cette phrase comme une espèce de prémonition de l'utilisation du Zyklon B à Auschwitz. Ça n'a absolument aucun sens pour moi. Mais si on s'en tient au mot, si on prend le mot gaz en disant bah voilà c'est le même qu'en 43, on court de gros risques d'arriver à des contresens, même en étant fidèle au texte. Voilà, la base de la démarche historique, hein, contextualiser, prendre du recul, confronter les sources, avec cependant des questions mais complètement légitimes, c'est qui a lu Mein Kampf pour savoir ce qui savait, qui pouvait imaginer, une question qui se pose dès l'après-Seconde Guerre mondiale en 1945. Mais c'est aussi notre droit de formuler un certain nombre d'observations dont voici la première. Les nazis, ce n'était pas une peuplade venue de quelque terre lointaine, ce n'était pas des conquérants arrivés en force dans une nation sans défense. C'était des Allemands qui ont été portés au pouvoir par le jeu normal des institutions démocratiques, du moins comme on les concevait outre-Rhin. Hitler, un dictateur, non, le chef d'un parti qui, au terme d'une progression permanente, est normalement devenu un parti de gouvernement. Qu'on n'aille pas nous dire que les Allemands n'en connaissaient pas la doctrine. Mein Kampf l'exposait tout au long de ses éditions successives, avec tout ce que cela supposait de racisme, d'antisémitisme et d'intentions belliqueuses. Le peuple allemand, dans sa souveraineté, s'est choisi les maîtres qu'il a voulu et en toute connaissance de cause. Qu'on ne vienne pas nous raconter qu'il a été acculé à l'adhésion au parti nazi. En réalité, il en a assumé le succès jusqu'aux victoires éphémères de la guerre éclair. Nous étions en octobre 1945 et on vient d'entendre Jean Guignebert, journaliste et franc-tireur résistant, qui a été directeur général de la radiodiffusion française. Et Nicolas Patin, vous l'avez bien dit, il y a cette lecture de Mein Kampf au milieu des années 20, quand le livre paraît, et sont peu nombreux à l'avoir lu. Il y a après 1933, quand Hitler est au pouvoir. Et puis, il y a encore après la Seconde Guerre mondiale. Il y a une nouvelle lecture qui est faite de Mein Kampf pour dire, là, on vient de l'entendre, bah, les Allemands, on pouvait savoir parce qu'il n'y avait qu'à lire Mein Kampf. C'est une lecture erronée, là aussi, ou en tout cas biaisée. Mais Mein Kampf est encore lu d'une nouvelle manière après. Alors la citation est vraiment intéressante, elle est vraiment dans son époque aussi. Il faut toujours réinsérer, hein. Il y a Mein Kampf, il y a les textes de Rosenberg, il y a le flot ininterrompu de discours d'Hitler. Donc les Allemands n'ont pas baigné, là c'est vraiment une vision un peu de l'extérieur, on a l'impression qu'il n'y a que Mein Kampf et point barre. Les Allemands ont baigné dans des textes de propagande, ceux de Goebbels, ceux de Rosenberg, plein d'autres. Donc il y a un ensemble, Mein Kampf ne résume absolument pas l'ensemble de l'idéologie nazie. Il est son vaisseau symbolique majeur, mais par contre, il y a vraiment ce flux, notamment des discours qui sont très nombreux et menés par un certain nombre de hiérarques nazis. Après 1945, la réponse, elle est simple et elle est aussi du côté du symbolique. Les droits d'auteur sont protégés. Hitler est mort, mais ils sont protégés. Et donc les droits d'auteur vont échoir aux ministres, aux Américains, qui vont les prendre et qui vont les rétrocéder au ministère des Finances de Bavière, du Land de Bavière, qui va tout de suite dire interdiction. Interdiction du texte. Donc là, on assiste à une sorte d'exorcisme où un certain nombre d'Allemands vont brûler Mein Kampf, qu'il l'ait lu ou qu'il ne l'ait pas lu. Mais comme une sorte de, voilà, de dire je ne savais pas, je n'ai pas participé, je n'ai pas lu, etc. Et à partir de là, le texte devient d'un totem, il devient un tabou et il va disparaître en fait du grand public allemand, puisque le texte, à la différence de la France où il a toujours été légal, hein, après la guerre, il est interdit. Jusqu'à quand ? Mais jusqu'à tout simplement les droits d'auteur, 1er janvier 2016, c'est-à-dire, si j'arrive à calculer, 70 ans après la mort d'Hitler, et où en fait l'édition scientifique avait anticipé sur le fait que du point de vue du droit, le texte tombait dans le domaine public. Et on proposait, donc l'Institut d'Histoire du Temps Présent de Munich, on proposait cette édition scientifique. Donc le statut de Mein Kampf, j'ai envie de dire, là c'est peut-être une lecture française, où en tant que Français, on a l'impression que Mein Kampf résume tout le nazisme. En Allemagne, mais en Allemagne, il y a beaucoup d'autres choses. Et donc, de 1945 à la publication de Mein Kampf, vous le savez, il y a eu tellement de polémiques, tellement de controverses, tellement de choses qui ont fait avancer la mémoire allemande. Ce qu'on appelle la maîtrise du passé, la Vergangenheitsbewältigung, c'est un gros mot. J'en prends un par exemple, l'exposition sur les crimes de guerre de la Wehrmacht, qui montrait qu'il n'y avait pas de Wehrmacht propre, et que la SS et la Wehrmacht avaient commis des crimes. Ça, c'est quelque chose qui a fait énormément avancer la mémoire allemande. Donc des controverses comme ça, vous en avez eu des dizaines, dans laquelle Mein Kampf a sa place, symbolique certes, mais pas aussi centrale qu'on pourrait croire. Et à côté de la controverse, au moment de traduire Mein Kampf, Olivier Mannoni, il y a du débat, il y a de la discussion. Et on sent bien, c'est une équipe, là, pour historiciser le mal, publié chez Fayard. C'est toute une équipe, Florent Braillard, Andreas Wirtsching. Il y a du monde. Vous avez beaucoup discuté. On se met autour de la table, on regarde une phrase et on essaye de la traduire. Alors, l'organisation a été un petit peu différente, en fait, parce qu'il y avait des équipes très importantes. Je crois, Nicolas me le précisera, je crois qu'il y a eu jusqu'à 25 personnes qui travaillaient sur les textes, qui s'étaient répartis le travail de traduction à la fois pour relire la traduction et la discuter, et puis pour échafauder l'appareil critique. Des réunions ensemble, on en a eu, en fait, très très peu, d'autant plus que la vraie réunion qui devait avoir lieu à la fin pour qu'on fasse le point a été interrompue par le Covid. Donc la réalité du travail, c'était en fait du travail par mail, des échanges constants par écrit sur à la fois sur la traduction et sur l'interprétation qu'on pouvait donner au terme. Voilà. Et puis le résultat final est là, Nicolas Patin. En fait, on recevait la traduction de Olivier Mannoni, hein, il a traduit Zweig, il a aussi traduit Peter Sloterdijk, donc si on veut un bon traducteur, il n'y a pas de problème. Et on se réunissait par petites équipes, alors on était une douzaine, pour le coup, de chercheurs et chercheuses, Marie-Bénédicte Vincent, que vous avez reçu hier, Dorothea Bonnekamp, Anne-Sophie Anglaret, Christian Ingrao, Olivier Bézet. Et en fait, on se réunissait par groupe de trois, historiens, germanistes, et parfois on passait 4-5 heures sur un terme. Un seul, en partant de la traduction d'Olivier, pour travailler vraiment aussi l'épaisseur historique de chaque texte et de chaque mot. D'où le temps qu'a pris cette édition critique, non seulement sur la traduction, la mise en place des notes de bas de page et l'ensemble de ce qui entoure le texte. Nicolas Patin, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Bordeaux-Montaigne. Vous avez donc participé à ce livre, Historiciser le mal. Il y a aussi vos ouvrages avec Julie Le Gall, enfin, votre ouvrage. Les guerres mondiales 1914-1945, ça apporte quoi ? Alors évidemment, ça apporte quelque chose, on le sait bien, mais dans cette lecture que vous avez sur le temps long, hein, parce qu'on commence dans les années 1920, ça apporte quoi cette réflexion autour d'un livre ?